La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. À quel moment et dans quelles conditions le vivant a-t-il émergé? On sait encore peu de choses sur les premières formes de vie qui sont apparues sur notre planète. Les datations les plus anciennes de micro-organismes font remonter à presque 4 milliards d'années. Mais il existe aujourd'hui sur Terre des organismes qui s'apparentent à des formes de vie primitives et qui intéressent beaucoup les scientifiques. Des cellules qui sont restées simples en apparence, mais qui ont su parfaitement s'adapter à leur environnement. Nous allons explorer dans un instant avec mes invités différentes formes de vie primitive. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et on part aujourd'hui à la découverte d'un ancêtre des baleines à la une de la science. Oui Mathieu, un fossile de baleine quadrupède de 42 millions d'années qui nous raconte la vieille histoire terrestre des cétacés. On sera au téléphone avec l'un des découvreurs dans un instant. Et c'est Fanny Boyon qui te commande de l'émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. On va donc s'intéresser tout à l'heure aux formes de vie primitives, celles qui existent aujourd'hui, qui nous entourent même peut-être. Audrey Dussoutour et Philippe Sylar, bonjour. Bonjour. Audrey Dussoutour, la vie primitive qui vous passionne, c'est celle du blob, un organisme qui commence d'ailleurs à devenir une véritable vedette dans le monde de la recherche. On en parle tout le temps du blob. Hein. On en parle partout et tout le monde veut en adopter un. C'est vrai, ouais. Ça marche bien. Hein. Oui, ça marche bien, c'est parce qu'il est mignon comme tout. C'est vrai, pourquoi il suscite comme ça l'intérêt et la fascination? Je pense parce que c'est une cellule qu'on peut voir et qui bouge. Et qui mange beaucoup également. Beaucoup de flocons. Philippe Sylar, quelle est, vous, votre forme de vie primitive de prédilection? Bien évidemment, les champignons. Ah ouais. En particulier, ce qu'on appelle les moisissures, qui, malgré leur simplicité, développent des stratégies tout aussi étonnantes que le blob. Voilà, l'homme qui s'entiche des moisissures. Philippe Sylar, donc avec Audrey Dussoutour, vous allez nous raconter ce qui caractérise, évidemment, aujourd'hui, les formes de vie primitives. Hein, ce qu'elles nous apprennent du vivant. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions donc sur les vies primitives. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Quand les baleines avaient des pattes, c'est la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Oui, avant d'engendrer les plus gros mammifères de la planète, l'évolution du groupe des cétacés a commencé sur Terre, en Asie, il y a 50 millions d'années. Des animaux courts sur pattes aux aires de loutre ont commencé à passer de plus en plus de temps ou à se nourrir dans l'eau, puis ils ont migré dans le monde entier. Un spécimen vieux de 42 millions d'années vient d'être découvert au Pérou, Perregocetus pacificus, une baleine amphibie à quatre pattes, de jolies dents et certainement une nage très efficace. C'est le fossile qu'on vous présente avec vous, Olivier Lambert. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes paléontologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique et vous êtes l'un des co-découvreurs de ce fossile avec des collègues péruviens. Alors racontez-nous un peu la découverte pour commencer. Comment avez-vous mis la main sur ce fossile qui est vraiment très complet, hein? C'est dans le genre, vous n'en avez pas beaucoup des comme ça. Oui, en fait, qui sont assez rares. Et pour commencer, on travaille au Pérou déjà depuis de nombreuses années avec des Péruviens, Français, Italiens, Hollandais, et on prospecte là dans ce désert sur la côte sud du Pérou. Et dans cette région, on trouve régulièrement des restes de cétacés fossiles. Et là, ce sont les collègues péruviens qui, il y a quelques années, sont tombés sur un nouveau site très prometteur parce que contenant des couches très anciennes, donc qui pourraient éventuellement livrer du matériel de cétacés vraiment très anciens. Et donc, ils ont découvert cette localité et nous avons visité le site ensemble en 2011 et c'est là que nous sommes tombés sur ce squelette qui est effectivement très complet et très intéressant. Alors, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez découvert les pattes arrière? Parce que c'est ce qui fait toute l'originalité de cette baleine, au final. En fait, on avait commencé à avoir déjà des indices au niveau de la dentition, qui est déjà très spécifique pour ces baleines anciennes. Mais en découvrant que la patte arrière avait à peu près la même taille que la patte avant, là, on a vraiment compris qu'on avait affaire à une baleine quadrupède. Et du coup, à quelque chose de complètement nouveau pour cette région-là, puisque ces baleines quadrupèdes n'étaient pas connues de toute l'Amérique du Sud. Alors, on parle de baleine, mais quelle taille fait l'animal? Il faut l'imaginer quand même un petit peu. Alors, c'est une baleine qui ne devait pas dépasser 4 mètres. Donc, par rapport aux grands mysticètes actuels, c'est petit, mais c'est un peu plus grand que les plus petits dauphins et marsouins que nous connaissons de nos jours. Et il faut vraiment imaginer que cette baleine vivait à la fois sur Terre et dans l'eau, alors? Voilà, donc il y a différentes parties de son squelette qui nous permettent de dire que cet animal était toujours capable de revenir sur la terre ferme pour, par exemple, se reposer ou se reproduire. Mais d'un autre côté, il y a différentes parties de son squelette qui nous permettent de dire qu'elle était déjà une nageuse efficace. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous attendiez pas à la trouver à cet endroit-là du globe. Pourquoi les baleines à quatre pattes pourraient pas être au Pérou? Alors, le problème du Pérou, c'est que c'est une zone relativement isolée par rapport à la origine des cétacés qui se trouve en Inde et au Pakistan. C'est là qu'on a trouvé les restes les plus anciens de ces fossiles. À partir de là, ces premières baleines ont migré progressivement, mais dans des eaux qui restent relativement peu profondes le long des côtes de l'Afrique du Nord et de l'Afrique Ouest. Et c'est ensuite qu'elles ont traversé pour atteindre le Nouveau Monde. Et jusqu'ici, on ne savait pas trop bien comment ces baleines avaient pu atteindre l'Amérique du Nord, où on trouve également quelques restes assez fragmentaires. Et donc la question se posait de savoir si elles avaient suivi les côtes plutôt de l'Europe du Nord, du Groenland et puis de l'Amérique Nord, ou si elles avaient effectivement été capables de traverser des grandes zones océaniques. Est-ce qu'on a une idée de la raison pour laquelle certains mammifères, il y a 50 millions d'années, peut-être un peu avant, sont retournés vers un mode de vie aquatique, petit à petit, complètement aquatique? Alors, 50 millions d'années, c'est à peu près 15 millions d'années après l'extinction des dinosaures, l'extinction de la fin du Crétacé, qui a également vu la disparition de plusieurs grands groupes de reptiles marins, ce qui a pas mal de niches écologiques vides dans les océans. Alors les premières étapes de l'évolution des baleines, deux hypothèses ont été suggérées pour expliquer leur adaptation à un mode de vie plus aquatique. La première, c'est la recherche du poisson ou des crustacés. Ces premiers cétacés auraient pu trouver un avantage à commencer à consommer du poisson ou des crustacés dans des zones peu profondes d'eau douce, tout d'abord. Mmh. Une autre hypothèse aurait été que les baleines se seraient rendues dans l'eau pour échapper à leurs prédateurs terrestres. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des cousins terrestres du groupe des cétacés anciens? Alors, les plus proches cousins actuels des baleines, ce sont les hippopotames, mais qui ont une longue histoire évolutive de leur côté. Donc, on a des similitudes, mais qui sont probablement en partie des convergences entre ces deux groupes. Mais leur ancêtre commun était un ongulé terrestre quadrupède qui, progressivement, a évolué d'un côté vers les cétacés et de l'autre vers les hippopotames. Olivier Lambert, est-ce que c'est fréquent, finalement, dans l'évolution, cet aller-retour de l'eau à la terre, puis ce retour, justement, à l'eau? Est-ce qu'on a déjà observé ça chez d'autres espèces? Oui, en fait, on observe ça dans pas mal de lignées de reptiles. Par exemple, ces grands groupes de reptiles marins du Mésozoïque, comme les ichthyosaures, les mosasaures, ils ont tous un ancêtre terrestre et se sont progressivement adaptés à la vie marine. Et puis, les mammifères, après l'extinction des dinosaures, on voit l'apparition de différents groupes de différentes lignées qui vont également recoloniser les milieux marins. Donc, à côté des cétacés, on a également les pinnipèdes, donc par exemple le morse, et également les siréniens, donc par exemple le lamantin et le dugong, qui tous ont un ancêtre terrestre séparé en fait. On l'a dit, votre fossile, il est très joli, mais il garde quand même une part de mystère parce qu'il vous manque le bout de la queue. Et justement, c'est à cet endroit qu'un caractère très important des baleines est apparu, c'est la nageoire caudale, la propulsion. Donc vous n'avez pas une idée du bout de cette queue, s'il y avait vraiment cette nageoire caudale qu'on connaît tous chez les baleines? Alors il est peu probable que la nageoire caudale ait été aussi développée les baleines actuelles, parce que au vu de la dimension des pattes arrière, avoir une propulsion principalement basée sur des ondulations de la queue, les pattes auraient vraiment été un obstacle pour une nage efficace. Donc l'hypothèse, c'est plutôt qu'on avait une sorte de proto-nageoire et progressivement aurait augmenté en taille. Mais là, il va falloir chercher des squelettes plus complets pour avoir cette information. Merci beaucoup en tout cas, Olivier Lambert. Vous êtes paléontologue à l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique à Bruxelles. Merci pour ces explications et bravo pour votre découverte. Axel, merci beaucoup. À demain. Et à demain, dans un instant, notre dossier sur les différentes formes de vie primitives. Took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. I thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Vampire Weekend, c'était Harmony Hall. La tête au carré, Mathieu Vidard. Avec un dossier qui s'intéresse aux formes de vie primitives, celles que l'on peut étudier aujourd'hui, qui sont donc présentes autour de nous. Et pour en parler, vous présenter quelques spécimens originaux. Audrey Dussoutour et Philippe Sillard. Audrey Dussoutour, vous êtes éthologiste, chercheuse au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à l'Université Toulouse 3 et au CNRS. Alors vous êtes plutôt spécialiste des fourmis hein, au départ, mais depuis quelques temps, vous vous consacrez à l'étude du blob, un organisme atypique auquel vous avez même consacré un livre intitulé « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans oser jamais le demander », publié aux éditions Équateur. Comment vous partagez votre temps entre les fourmis et le blob alors aujourd'hui? 50-50, je dirais. Ouais. Bon. En fait, j'ai souvent des étudiants sur les fourmis et des étudiants sur les blobs. Bon, très bien. Et on apprend toujours des choses sur les fourmis? Ah oui, on découvre même des espèces tous les jours. C'est vrai? Ouais. J'étais à un congrès la semaine dernière et j'ai entendu parler d'une fourmi qui vit dans le bois vivant et qui a la deuxième paire de pattes qui est vers le haut et ça fait qu'elle ne peut pas marcher sur une surface plane. C'est vrai. Ouais. Et vous ne la connaissiez pas? Et je ne la connaissais pas. Ouais. Philippe Sillard, vous êtes professeur de microbiologie à l'Université Paris Diderot. Vous êtes spécialiste des protistes et des champignons. Ça commence à se gâter là déjà. Alors des champignons, bon, on voit à peu près. Les protistes dans cette famille, en quelques mots, on va en reparler dans un instant. Alors, les protistes, c'est défini négativement, c'est-à-dire que c'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Et ça laisse un enfin, un champ tout le reste, vaste. Moins les bactéries, quand même. Ce sont pas des bactéries. Ouais. Voilà. Donc, ça fait effectivement un champ très, très vaste. Et parmi eux, la star, c'est évidemment le blob. Voilà. Et vous êtes l'auteur d'un livre en accès libre sur les protistes caryotes. Et vous avez publié avec Fabienne Malagnac les champignons redécouverts chez Belin. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions, donc, sur les vies primitives. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Au commencement des commencements, à l'origine des origines, il n'y avait rien. La matière a suivi sur la terre une voie aventureuse. Dans des petits creusets chauffés par le soleil, gorgés d'eau et de sel, se forme une sorte de soupe chaude, la soupe de nos origines. Des minuscules bulles fermées et repliées sur elles-mêmes, plus petites que des grains de sable. Ce sont les premiers enfants de la vie. Extrait d'un documentaire Genesis, début de la vie, qui était sorti en 2004 de Claude Nuritzani et Marie Perrenou. Alors justement, les formes de vie primitives dont on va parler avec vous cet après-midi, donc celles qui nous entourent aujourd'hui sur Terre, est-ce que d'abord elles ont un lien avec les toutes premières formes de vie qui sont apparues il y a maintenant à peu près 4 milliards d'années pour peut-être les plus anciennes et dont on fait allusion là dans ce documentaire, cette soupe primitive, Audrey Dussoutour peut-être pour commencer. En fait, le règne du vivant, il est séparé entre prokaryotes, qui sont les bactéries et les archées, et les eucaryotes. Les prokaryotes sont arrivés avant, c'est les premiers. Et les eucaryotes viendraient, donc ça c'est une hypothèse de Lynn Margulis, de la fusion d'une archée et d'une bactérie qui aurait donné l'eucaryote. En fait, la différence entre un prokaryote et un eucaryote, c'est que déjà un eucaryote est 10 000 fois plus gros, la cellule est 10 000 fois plus grosse, et elle a l'ADN renfermé dans un noyau, elle a des organites qui sont un peu plus compliqués, comme les mitochondries, les appareils de Golgi, donc c'est une cellule qui est beaucoup plus complexe que les prokaryotes. Et on les connaît bien les eucaryotes, on est un peu concernés, non? Alors nous, on est un eucaryote, on est ce qu'on appelle un organisme pluricellulaire, donc on a plein de cellules, mais toutes nos cellules sont eucaryotes, malgré qu'on ait un microbiome qui sont un peu prokaryotes maintenant. Ouais. Mais oui, on est des eucaryotes. Ouais. Alors dans le vivant aujourd'hui, Philippe Sylard, il faut imaginer qu'on trouve justement des formes de vie primitives, parce qu'on pourrait penser qu'il faut remonter à l'origine de la vie sur Terre, mais en fait on en a encore aujourd'hui ou pas autour de nous? Alors, tout va dépendre de ce que l'on appelle, bien évidemment, primitive. Voilà, il va falloir le définir, ce qui n'est pas la chose la plus simple à faire, visiblement. Hein. Alors, les formes de vie primitives, elles étaient présentes, effectivement, sur Terre, il y a plusieurs milliards d'années. Et comme toutes les autres formes de vie, elles ont subi une évolution de type darwinienne. Et donc, elles sont le résultat, comme nous, de 3 milliards d'années d'évolution. Sauf que par rapport à nous, elles ont conservé des caractéristiques que dans notre imaginaire, on considère comme primitives. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on pense que c'est des organismes qui ne pensent pas, qui ne peuvent pas résoudre des problèmes, qui sont relativement simples morphologiquement, et on va voir que ça n'est peut-être pas forcément le cas. Ouais. Audrey Dussoutour, pourquoi ça intéresse autant une frange de la science aujourd'hui, les formes de vie primitives? Parce qu'il y a des congrès internationaux qui réunissent tous les spécialistes de la question, il va y en avoir un prochainement. Parce qu'en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire, la plupart des ce qu'on appelle organismes primitifs sont unicellulaires, et on a donc une cellule qui doit tout faire. Elle doit digérer, elle doit respirer, elle doit se défendre contre les prédateurs, elle doit aussi attraper des proies. Et on est face à une cellule unique. C'est ça qui est incroyable. Elle doit résoudre tous ses problèmes. Alors que nous, bien sûr, on est complexe parce qu'on a plein de cellules qui ont fait une certaine forme de division du travail. Et là, on a une cellule qui doit tout faire. C'est ça qui est un peu fascinant. Mais c'est complexe aussi, ça, d'ailleurs, en soi, non, d'être une seule cellule et de pouvoir faire autant de choses à la fois. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Personnellement, l'éthologie chez les unicellulaires, c'est une discipline qui n'existe pas vraiment. L'éthologie, ah oui, c'est ça. On peut dire les choses comme ça. Oui, parce qu'en fait, l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal. Or, là, on est face à des organismes qui ne sont pas des animaux. C'est ça. Et qui sont unicellulaires. Il y a eu, bien sûr, des vieux écrits qui décrivaient le comportement des unicellulaires, mais c'est clair que l'éthologie est quand même plus réservée aux animaux. Philippe Sylard, ces formes de vie primitives aujourd'hui, autour de nous, elles occupent une place importante dans les écosystèmes ou pas? Alors, bien évidemment qu'elles occupent une place importante. En fait, au niveau par exemple du cycle du carbone, une bonne partie du carbone dans les écosystèmes terrestres est effectivement fixée par les plantes, mais dans les écosystèmes aquatiques, ce sont des algues. Et les algues sont à la base des... enfin de l'évolution des plantes, mais aussi ont eu des évolutions parallèles et elles sont considérées comme des, dans l'ancien temps on appelait ça des cryptogames avec une sexualité cachée, donc comme des formes primitives. De la même manière, au niveau des recyclages du carbone, tout ça s'est effectué par des champignons. Or, si vous allez dans le grand public et vous questionnez les champignons, on va vous dire que c'est des organismes primitifs. Ouais. Peut-être pas tant que ça, puisqu'ils ont eux aussi des stratégies extrêmement efficaces pour s'adapter à leur milieu et recycler les nutriments. Alors, quand on mesure les biomasses, on s'aperçoit qu'en fait, la biomasse animale n'est pas la plus importante, même si c'est la plus visible. Ouais. En particulier, il y a 2-3 ans, il y a eu une grande étude sur les biomasses dans les océans. Hein. C'était un des résultats de Tara. Oui, océan. Et la pêche aux organismes. Voilà, hein. Et donc la grosse surprise, c'est que la biomasse importante, c'est un groupe qui s'appelle les Rhizaria, dont je suspecte que nos auditeurs n'ont absolument pas entendu parler jusqu'à présent. Ce sont des espèces d'amibes qui flottent et qui vont à la pêche avec des stratégies de type plutôt filet de pêche. Ouais. Mais ça, on peut les quantifier, ces organismes ou pas, alors? Bien évidemment, maintenant on peut avec de la métagénomique, c'est-à-dire en extrayant les ADN et en quantifiant les quantités d'ADN respectives provenant des animaux et des différents groupes, on peut essayer d'avoir une petite idée de ce qu'on ne voit pas. Et en général, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a en fait de plus abondant. Ouais, donc c'est le monde de l'invisible dont on parle ensemble cet après-midi, Audrey Dussoutour, ou pas seulement? Pas non, seulement. Le blob, votre blob, il n'est pas du tout invisible. Oui, il y a des unicellulaires qui sont assez gros, même qui. Alors, le blob est énorme, mais parce qu'il est multinucléé, il a plein de noyaux, il a une petite particularité, c'est pour ça que sa cellule est géante, mais il existe des cellules où il y a un ou deux noyaux, certains ciliés qui peuvent faire jusqu'à 3 mm. Ah donc oui. On peut voir comme Stentor qu'on voit très bien dans les sources d'eau, d'eau fraîche. Pourquoi s'intéressent autant vos collègues scientifiques alors? Parce que c'est de la belle recherche fondamentale quand même de s'intéresser à cette question-là. Oui, alors personnellement, c'est ce qui est plus l'origine de l'intelligence entre guillemets qui m'intéresse. C'est comment ces organismes qui sont dépourvus de système nerveux, par définition, vu qu'ils n'ont qu'une cellule, arrivent à résoudre des problèmes qui peuvent paraître un peu compliqués. Donc on parle d'intelligence, vous employez le mot sciemment. Hein. Toujours entre guillemets, parce que sinon on se fait taper sur les doigts. On parle aussi de cognition primitive. Voilà, enfin c'est tous ces termes, intelligence primitive, cognition primitive. Et moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ces organismes sont capables d'apprendre, puisque l'apprentissage c'est vraiment l'apanage du cerveau. Ouais. Et du coup c'est ce qui m'intéresse comme question. Et c'est le cas, pour donner déjà un embryon de réponse, oui, on, y a on au va moins le développer. 4, 5 unicellulaires où il y a eu des preuves irréfutables d'apprentissage. C'est ça. Et l'intelligence du champignon, Philippe Szilard, c'est une réalité aussi ou pas? L'intelligence au sens où nous l'entendons très anthropocentrique, clairement non, mais effectivement ce sont des organismes qui sont capables eux aussi de résoudre des problèmes un peu compliqués. Alors, de quel type? De quel type, comment bien envahir un milieu et l'exploiter au maximum. Ah, comment, ça, ils savent très bien le faire. Hein. Comment se débarrasser de compétiteurs potentiels aussi. Ça, les champignons savent faire ça, par exemple. Donc, ils sont capables de déployer des stratégies particulières? Oui, bien évidemment. Ils peuvent mettre en esclavage aussi un certain nombre d'autres organismes, y compris des animaux. Ah oui, le champignon esclavagiste. Oui, alors moi j'adore par exemple les septobasidiales. Alors c'est un groupe de champignons qui parasitent les cochenilles. Alors détail croustillant, ils pénètrent par l'anus de la cochenille. C'est croustillant, oui. Voilà, donc les cochenilles, vous savez, c'est des petits insectes qui ont un stylet qui leur permet de pomper la sève et le champignon se sert de la cochenille comme d'une paille, en fait, voilà. Bienvenue dans le monde de la vie primitive. Avec nos invités, c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et penser qu'après avoir tant annoncé un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau, j'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher. La poésie, c'était Dominique A. La tête au carré sur France Inter. Les formes de vie primitives avec l'éthologiste Audrey Dussetour et le microbiologiste Philippe Sillard, mes invités. Vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Alors, Philippe Sillard, je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que les formes de vie au tout début de l'apparition de la vie sur Terre, est-ce qu'on en trouve aujourd'hui ou pas? Vous m'avez pas tout à fait répondu. Est-ce qu'on peut trouver des organismes aujourd'hui qui ressemblent en tout point à ce que la Terre a connu il y a 4 milliards d'années, ou c'est absolument impossible? Alors, fort probablement non. Puisque l'atmosphère terrestre a subi un gros changement il y a environ 2 milliards d'années, puisque de l'oxygène est apparu dans l'atmosphère. Or, l'oxygène, contrairement à ce que l'on peut croire usuellement, c'est un poison violent. Pour s'en rendre compte, il suffit de couper une pomme en deux et de voir ce que fait l'oxygène avec le brunissement de la pomme. Et en fait, tous les organismes actuels qui vivent dans l'oxygène possèdent un système de détoxication. Alors, de l'oxygène, mais surtout des dérivés actifs de cet oxygène qui sont des molécules très oxydantes. Donc, la vie est apparue dans une atmosphère dépourvue d'oxygène, qu'on dit réductrice. Il est donc fort peu probable qu'actuellement le même type de vie puisse persévérer dans nos environnements très oxygéniques, sauf peut-être dans des endroits où il n'y a pas d'oxygène, c'est-à-dire profondément dans l'écorce terrestre. Ouais. Donc la vie peut apparaître sans oxygène. L'oxygène n'est pas une condition sine qua non à l'apparition de la vie. C'est même probablement l'inverse, c'est que la vie ne peut pas apparaître en présence d'oxygène, puisque l'oxygène va oxyder les molécules qui vont pas avoir le temps de se polymériser et de s'organiser correctement. C'est les idées qui tournent actuellement. Mais l'oxygène est arrivé tard, finalement, sur Terre. Oui, 2 milliards d'années après... La formation de notre planète. La formation de notre planète. Donc, comme on est environ à 4,5 milliards d'années, on peut dire qu'elle a vécu, la Terre a vécu, la moitié du temps sans oxygène et l'autre moitié avec oxygène. Ouais. Donc, avec quand même des organismes avant son apparition. Et alors, quels organismes sont apparus avec l'oxygène? Est-ce que ça a complètement modifié le champ et le panorama un petit peu? Bien sûr que ça a complètement modifié, avec en particulier l'apparition probable à ce moment-là, alors pas l'apparition, mais probablement la sélection en grande quantité de la cellule eucaryote. Puisque cette cellule eucaryote possède dans son intérieur, et c'est la théorie dont Audrey a parlé tout à l'heure de Lynn Margulis, la présence des bactéries qui sont devenues les mitochondries permettent de respirer, donc d'utiliser l'oxygène, d'en débarrasser le contenu cellulaire et donc à cette cellule-là de survivre. Donc c'est la théorie la plus répandue actuellement qui s'appelle l'origine phagotrophique de la cellule eucaryote qui résulterait donc de la phagocytose d'une bactérie capable de détoxiquer en fait l'oxygène dans un premier temps et ensuite de fournir de l'énergie, puisque vous, comme vous le savez, j'espère, la mitochondrie c'est quand même la petite centrale électrique, la petite centrale énergétique, mais qui dans un premier temps devait probablement servir essentiellement à détoxiquer l'oxygène. Ouais. Audrey Dussoutour, ce qui est amusant également, c'est qu'au sein même de la recherche scientifique, ça discute beaucoup évidemment sur ces différents scénarios, on parle de théorie, mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord ensemble, hein, loin de là. Hein. Ah non, ça se dispute tout le temps beaucoup. Ouais. Surtout qu'en fait, on n'a pas beaucoup de données. Mais forcément. C'est ça, ouais. Ni de preuves, ni de pièces à conviction. On n'a pas de preuves, on n'a pas de données. Peu de fossiles. Exactement. Alors bon, il y a la génomique qui va donner quand même en séquençant l'ADN, on peut remonter un petit peu. Mais il y a aussi des erreurs parce qu'en fait, les organismes, ils peuvent très bien prendre des bouts de génome à d'autres organismes et qu'ils vont intégrer dans leur génome. Donc du coup, ça va complexifier la tâche. Juste pour donner un exemple, par exemple, chez le blob, chez Physarum polycéphalum, on l'a classé partout. Chez le, excusez-moi, comment il s'appelle? Le blob, c'est un surnom que je lui donne, il ne s'appelle pas le blob. En vrai, il s'appelle Physarum polycéphalum. Voilà. Et c'est un myxomycète. Donc en fait, Ça veut dire quoi? Champignon gluant. Ben voilà. En fait, la première fois qu'il a été décrit, le premier myxomycète, c'était en 1650. Quelqu'un a dessiné ça et ils ont dit que c'était une plante. Après, vers 1830, ils ont dit que c'était un champignon. Puis après, il y a eu un peu deux écoles, champignon, plante, jusqu'à ce qu'Antoine de Barry dise non, je pense que c'est un champignon animal, et qui appelait ça mycétozoa, qui est resté, donc le champignon animal. Ouais. Et en fait, vers la fin des années 90, il a été replacé dans un règne qui s'appelle les amébozoa, avec son petit cousin, Dictyostelium. Et donc, en fait, ça a vraiment été, et c'est tout tant comme ça, parce qu'il faut repenser qu'en XVIIe siècle, on n'a pas de microscope, on regarde, ok, on peut voir le plasmode, ce qu'ils appellent cette cellule géante du blob, on voit les spores, mais on ne voit pas forcément le lien entre les deux. Les frontières sont parfois très poreuses entre le monde animal, végétal et autres, Philippe Szilard, c'est compliqué de situer les choses au bon endroit. Alors, j'aime dire à mes étudiants, quand les biologistes sont embêtés, ils inventent des nouveaux mots. Donc les animaux percés, en fait, ça n'existe pas. Les plantes percées, ça n'existe pas. Il y a des définitions bien précises sur des termes. Par exemple, les animaux, il y a deux écoles. Soit ce sont des métazoaires, soit ce sont des eumétazoaires. Alors, quelle est la différence entre un métazoaire et un eumétazoaire? Alors, les métazoaires, ce sont des organismes qui sont formés de plusieurs cellules, grosso modo, qui sont collées ensemble par du collagène. Et les eumétazoaires ont une organisation un peu plus compliquée, avec une organisation autour d'un tube digestif et avec des muscles et des nerfs. Alors actuellement, il existe toujours sur Terre des organismes qui n'ont pas de tube digestif, qui n'ont pas de muscles, pas de nerfs, mais qui sont collés par du collagène, ce sont des éponges. Et donc, les biologistes se bataillent pour savoir est-ce que ces éponges sont des animaux ou pas. La réponse, et cette question n'a pas de sens, ce sont des métazoaires, mais ce ne sont pas des eumétazoaires. Oui, c'est une façon de ne pas donner de réponse non plus, finalement. C'est d'inventer un mot particulier, on le comprend. Votre blob chéri, Audrey Dussoutour, est-ce qu'on en a des traces fossiles ou pas? Alors, les plus vieux fossiles de Myxomycète, donc c'est ça, on groupe, hein, il y a 1000 espèces différentes. Le plus vieux fossile, c'est 50 millions d'années. Donc c'est pas si mal. Mais il a divergé selon la génomique il y a 1 milliard d'années. Ah, oui. Donc ça reste que c'est un fossile c'est extrêmement vrai. Jeune. Oui. Mais bon, un plasmode, ça se garde pas très bien. Une spore, un peu mieux. Mais clairement, pour l'instant, c'est le plus vieux fossile. Et en tout cas, le blob inspire. Les cinéastes en particulier, extrait du blob. 1988. S'il avait un esprit, on pourrait le raisonner. S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, on pourrait le détruire. Cet organisme grandit à une allure diabolique et de l'avis de tous, il est à l'heure actuelle à 1000 fois la taille de sa masse originelle. Le blob. La terreur n'a pas de forme. On adore quand même, hein. Le blob, la terreur n'a pas de forme, ça c'est extraordinaire. Donc il y a vraiment des films qui ont été tournés autour du blob, vous les aviez vus d'ailleurs avant de vous y intéresser en tant que scientifique ? Oui, j'avais vu celui de 58 avec Steve McQueen, qui est peut-être le plus mauvais film de Steve McQueen d'ailleurs. Mais en fait le terme blob vient du film et pas clairement de l'organisme. Ouais. C'est la première fois en fait que les gens ont utilisé blob pour décrire les Myxomycètes. C'était en 73 quand une dame l'a découvert dans son jardin. Et donc dans l'article du journal, parce qu'elle a poussé un cri d'horreur ou pas. Exactement, donc elle a trouvé, c'était un Fuligoceptica, donc le nom d'espèce, qui s'appelle aussi fleur de thym en français et vomi de chien en anglais. Oui, c'est vrai qu'il y a des noms moins incroyables. Hein. Caca de lune en Amérique du Sud. Donc en fait c'est un Myxomycète qui est très épais, qui ressemble à une éponge, qui est très gros. Donc elle a vu ça dans son jardin, elle l'a matraqué à coups de râteau pour le partager en plein de morceaux. Et finalement le lendemain elle est revenue, il avait refusionné, parce que le blob peut refusionner une fois qu'on le coupe en morceaux. Voilà. À cette vitesse. Là. En 24 heures, il s'était retrouvé. Il avait doublé de volume, parce que le blob, quand il mange, il double de volume. Et du coup, elle a eu peur, elle a mis des insecticides dessus, il a changé vaguement de couleur, mais il est resté intact. Donc là, elle a eu peur, on était au Texas, elle a appelé la police qui a tiré dessus. Donc forcément, ça n'a rien fait du tout. Et parce qu'on peut faire des trous dans le blob, ça ne fait rien. Et du jour au lendemain, il a disparu. Parce qu'en fait, en réalité, il n'avait pas vraiment disparu, il avait sporulé, donc les spores étaient parties. Et du coup, ils ont dit, c'est un alien, et ils l'ont appelé le blob. Oui. Le blob est fourbe quand même, hein. Il fait des choses absolument incroyables. Mais en plus, il résiste vraiment à des attaques chimiques de tout genre. Enfin, il est quand même très costaud, non ? Ça dépend à quel stade on le prend, je dirais. En fait, quand on prend la cellule vivante, comme j'ai Physarum polycéphalum, elle est très sensible, en fait. Dès que la température n'est pas la bonne, si on la met à la lumière, elle va mourir. Mais par contre, sa version enkystée, quand il s'endort un petit peu, quand les conditions sont pas très bonnes, elle est très résistante. On peut la broyer, on peut la mettre au frigo, on peut faire ce qu'on veut et ça redonnera quand même un blob. Ouais. C'est ce que vous faites dans votre laboratoire ou pas ? Oui, voilà. Nous, vous martyrisez les blobs ? Ce qu'on fait, c'est que nous, on garde les blobs 2 mois en version plasmode, donc cellule géante. Et après, le plasmode, il commence à faire un petit peu la tête, il attrape des petits champignons, il mange plus beaucoup et là, on voit que donc c'est pas terrible. Du coup, en fait, on le sèche. Et là, quand on le ravive, eh ben, il redevient tout jeune à nouveau. Et on fait ça, donc, par exemple, l'entreprise dans laquelle j'ai acheté mon blob fait ça depuis 70 ans. Ah oui, donc on peut le sécher et il revient à la vie. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des applications intéressantes derrière toutes ces observations et mécanisme étonnant du blob ? Alors, l'application qui est la plus développée, c'est tout ce qui est biomimétisme du système veineux du blob. Donc le blob est une cellule géante et par essence... Avec des veines. Il a des veines parce que quand on est une cellule géante, et comme le cytoplasme bouge pas trop vite dans la cellule, il faut trouver un moyen, en fait, de distribuer les nutriments, les vitamines, etc., tous les composés à l'intérieur de la cellule. Et donc, il a un système veineux qui, en fait, est fait de cytoplasme, donc le liquide qui est soit solide, soit liquide, qui entoure avec des fibres d'actine. Et donc, ce système veineux, il est quand même assez optimisé. Il y a eu beaucoup d'années d'optimisation et forcément, ça inspire beaucoup les ingénieurs. Et donc, il y a eu cette expérience très connue de Toshiaki Nakagaki qui a montré que Physarum polycéphalum pouvait faire des meilleurs réseaux que le réseau ferroviaire japonais. Où il a donc mis un blob dans une petite version du Japon, dans une boîte de pétri. Et donc, en fait, il a mis le blob sur Tokyo, il a mis des flocons d'avoine autour de Tokyo pour mimer la position des villes. Il a laissé le blob se développer et il a connecté tous les flocons d'avoine et le réseau formé était plus optimisé que le réseau ferroviaire japonais. Incroyable. C'est du biomimétisme, Philippe Szilard, finalement. On peut même s'intéresser à des formes de vie comme ça. Oui, oui. Il y a même, encore une fois, des Japonais qui s'intéressent à ce genre d'organismes pour diriger des robots, par exemple. Alors, les blobs n'aiment pas tellement la lumière, donc En percevant leur environnement, ils peuvent espérer diriger le robot en fonction de la lumière. Laurent Voulzy, cocktail chez Mademoiselle. La tête au carré. Sur France Inter. On fait connaissance avec de drôles de formes de vie primitive avec mes invités Audrey Dussoutour et Philippe Sylar avec les messages des auditeurs. Alors on parle beaucoup du blob parce que c'est votre organisme de prédilection Audrey Dussoutour, mais il n'y a pas que lui. Il y a quand même encore une question qui nous arrive de Paris, Fanny, qui demande que mange le blob dans la nature, son régime alimentaire? Parce que vous parlez de flocons d'avoine pour le nourrir, mais dans la nature c'est pas ça. Hein. Non, dans la nature il mange des bactéries, des spores de champignons et des champignons, des gros champignons. On peut lui donner des champignons de Paris, ça marche très bien. C'est vrai. Bon, les grandes familles du vivant, Philippe Sylar, elles sont peu nombreuses en fait aujourd'hui. Hein. On a réussi à bien classifier les choses. Alors actuellement, effectivement, on distingue trois grandes, pas familles, mais on appelle ça des domaines. Alors, il y a les bactéries, les archées, qui ressemblent aux bactéries dans leur organisation, mais qui dans leur fonctionnement en fait ressemblent un peu plus aux eucaryotes. Et puis la cellule eucaryote. Alors récemment, des collègues marseillais militent pour intégrer une quatrième lignée. Ce sont les virus géants, puisque ces virus ont des génomes extrêmement grands et ouais. Une complexité telle. Voilà. Mais ce ne sont pas les cellules. Voilà. Donc, si on parle de cellules, il y a effectivement trois grandes lignées. Maintenant, à l'intérieur de chacune de ces lignées, là, on peut dire que c'est un peu la foire d'empoigne. Oui. Les phylogénies sont extrêmement fluctuantes. Hein. Ça fait 20 ans que j'enseigne la phylogénie des eucaryotes et tous les ans, j'ai enseigné une phylogénie différente. Et je pense que l'an prochain, je réenseignerai encore une nouvelle phylogénie. Oui. Mais ça se stabilise, hein, puisqu'avec les phylogénies moléculaires, quand même, là, on arrive à avoir des données un peu plus fiables. Qui mettent tout le monde d'accord, à peu près. Qui hein. mettent tout le monde ouais. d'accord en et qui cas. Disent la dichotomie animale-végétale n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. C'est aussi net c'est et clair que cela. C'est clair, oui, oui. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Audrey Dussoutour, on parlait de cognition primitive tout à l'heure, hein, c'est un terme quand même assez étonnant. C'est-à-dire que cette intelligence, ces capacités cognitives des micro-organismes, de ces organismes, ça vous intéresse beaucoup et pas seulement autour du blob. Non, parce qu'en fait, je fais partie d'un laboratoire qui travaille sur l'apprentissage. Et du coup, je m'étais posé la question, bien sûr, est-ce que le blob peut apprendre? Et donc, on avait ici un apprentissage qui est très simple, qui est l'habituation. Mm-hmm. C'est une diminution de la réponse comportementale face à quelque chose que l'on n'aime pas. Donc, le blob savait très bien faire ça, mais il n'est pas le seul. Et donc, en fait, il y a deux ciliés, un qui s'appelle tétrahyména et un qui s'appelle stentor, qui sont très bien capables de faire de l'habituation. Mais surtout, tétrahyména, qui est un petit cilier, hein, tout petit. Donc, un petit cilier, c'est une cellule remplie de petits cils. C'est ça. C'est comme ça qu'elle avance, qui a deux noyaux. Alors, une particularité, le blob en a 720 sexes, tétrahyména en a 7. Le blob a 720 sexes, voilà, hein, oui. Tétrahyména en a 7. Ça arrive très souvent chez les insulaires. Hein, la dichotomie mâle-femelle n'existe pas très souvent. Voilà. Et du coup, tétrahyména, par exemple, est capable de mémoriser des trajectoires. Donc, l'expérience, c'est un japonais qui l'a fait. Il a mis tétrahyména dans un petit cercle d'eau. Donc en fait, tétrahyména s'est mis à nager en rond et puis il a agrandi le conteneur et elle a continué à nager en rond. Et ça marche aussi dans un conteneur triangulaire en fait et garde la mémoire en fait de la trajectoire. Il y a un autre cilier qui est capable d'apprendre qui s'appelle stentor, qui est un gros cilier qui fait jusqu'à 3 mm, qui lui est un peu attaché au sol, qui a une forme de petite trompette. Et lui, chaque fois qu'on lui tapote sur la tête un petit peu, bon, il reforme une forme de boule. Et puis au bout d'un moment, à force de lui taper sur la tête, il arrête de se redévelopper. Et du coup, c'est aussi une forme d'habituation. Et on a trouvé aussi une forme de mémoire chez la levure qui a une reproduction sexuée, parfois un peu plus rare que sa reproduction asexuée. Et en fait, quand deux levures veulent se reproduire, elles émettent des phéromones et elles sont attirées les unes par les autres. Et elles forment un petit excroissance qui s'appelle le chmou. Le chmou. Le chmou, parce que c'est un héros de BD anglaise. Ils trouvaient que ça ressemblait un petit peu au chmou. Donc elles forment un petit chmou. Et en fait, avec ces petits chmous, vont se connecter. Et c'est là où elles vont échanger en fait du matériel génétique. Et il arrive que parfois, une levure est déçue parce que le partenaire est partie avec une autre levure où le partenaire est stérile et elle va garder en mémoire cet échec et elle ne pourra plus être stimulée par les mêmes concentrations de phéromones. Il faudra que le partenaire d'après soit très chargé en phéromones pour qu'il y réagisse. C'est une espèce de forme de mémoire de l'échec de la reproduction. Ouais. Philippe Sylar, la cognition primitive, c'est intéressant. C'est en plein essor finalement ce champ de recherche. Ça démarre puisque les premières études sont relativement récentes. Donc oui, moi je trouve ça passionnant. Il y a toutes ces formes de vie primitives. Il y a des comportements de triche, il y a des comportements d'agriculteurs. Il y a tout un tas de choses que l'on pense être l'apanage des organismes très compliqués tels que les animaux. Mais on s'aperçoit qu'en fait, ces organismes primitifs sont aussi capables de comportements extrêmement complexes. Hein, c'est ça. Est-ce qu'on peut fabriquer ces organismes soi-même à la maison? Alors, on peut pas les fabriquer, hein, mais on peut parfaitement en isoler, en particulier si on veut avoir des blobs. La recette est assez simple. Il faut aller dans une forêt, ramasser alors soit des écorces, soit des morceaux de bois en train de pourrir au sol. Mmh. On les ramène à la maison, on les met dans un conteneur en plastique au fond duquel on a mis un peu de papier sopalin. On incube une nuit dans de l'eau, on jette l'eau et on attend. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, ça dépend un tout petit peu de l'état physiologique des plasmodes qu'il y avait dans les échantillons, et ben ils vont sortir du bois. Alors il vaut mieux les mettre à l'obscurité effectivement et on peut les voir. Alors faut quand même savoir ce qu'on va regarder hein, parce que ça ressemble en fait à un peu de gélatine, souvent jaune, mais enfin il y en a des blancs, il y en a des bleus, il y en a des violets. Ouais. Et on peut le voir à l'œil nu, donc. Hein. Alors oui, les plasmodes, ça peut faire jusqu'à 20 cm de diamètre, et même sur les échantillons de bois, ça peut faire plusieurs centimètres. Ouais. Vous poursuivez toujours ces recherches autour du blob, Audrey Sautour, et vous faites des émules ou pas? Alors, ouais, il y a un petit peu des fans maintenant. C'est vrai. Du blob. J'ai moins de difficultés à avoir des étudiants pour travailler sur le blob. Parce que d'habitude, ils trouvaient ça pas très ragoûtant, ça bouge pas. Enfin, ça bouge, mais très lentement. Et du coup, là, non, on est en train de voir quelles sont les limites, en fait, des capacités d'apprentissage des blobs. Donc, on a montré que, par exemple, ils pouvaient s'habituer à d'autres stimulus, comme la lumière. Et on veut voir maintenant s'ils pourraient être capables de faire une espèce de forme d'apprentissage associatif, mais il faut vraiment sortir de la boîte parce que clairement on est contraint par les conditionnements qui sont faits chez les animaux et il ne faut pas penser animal, il faut penser blob et donc venir avec des dispositifs expérimentaux qui sont adaptés et qui ressemblent à l'écologie que pourrait rencontrer le blob. C'est ça. Sûr. Et alors il y a des nationalités du blob aussi. Hein. On peut trouver le blob américain, oui, c'est ce le qu'on blob appelle australien ou japonais. C'est des souches, en fait c'est des Physarum polycephalum, donc c'est la même espèce, mais ils ne viennent pas du même endroit et ils expriment quelques différences. La façon dont ils explorent le milieu est pas la même. L'américain est très rapide, l'australien est très lent. Il y en a qui sont un petit peu plus grégaires que d'autres. Il y en a qui aiment pas les flocons bio. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui les aiment. Mm-hmm. Donc, en fait, on va avoir tout type de différences. En fait, c'est de la plasticité, ce qu'on appelle plasticité phénotypique. Ouais. C'est la même espèce. Vous savez qu'on a dans le bureau de la tête au carré, Philippe Sillard, un mimosa, et je crois qu'il fait partie justement de ces végétaux dont on ne sait pas très bien s'ils sont animaux ou végétaux, justement. C'est un végétal qui a un comportement animal, ce qui a beaucoup perturbé les biologistes. Ouais. Est-ce un végétal, est-ce un animal? La réponse, c'est un végétal qui a un comportement animal. Pourquoi? Alors, c'est le pudica, c'est ça? Non, c'est parce que la définition animal-végétal résulte en fait de la philosophie aristotélicienne qui disait que les plantes poussaient et que les animaux croissaient et réagissaient. Ouais. Et là, vous avez donc un mimosa qui réagit, ce qui est très perturbant. Mais oui, quand on lui touche les poils d'ailleurs, c'est quoi? Non, les feuilles. Les feuilles, tout simplement, ouais. Et d'ailleurs, je pense que ces mimosas, on peut aussi leur apprendre à ne plus réagir. C'est ça, il y a une forme d'habituation chez le mimosa, parce que pour montrer habituation, il ne faut pas juste la stimulation mécanique chaque fois. Au bout d'un moment, le mimosa ne répond plus. C'est ça. Et pour avoir une habituation, il faut aussi qu'il re-réponde à des stimulations qui sont autres. Et donc, ils ont fait tomber des gouttes d'eau sur le mimosa, ils ont vu qu'il se mettait à réagir à nouveau. Et donc, ils ont classé ça dans l'habituation. Bon, on va tout de suite remonter dans notre bureau pour faire les premières expériences grâce à vous. Merci en tout cas, Audrey Dussoutour. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, c'est chez Équateur Science. Et puis, Philippe Sillard, vous avez un livre en accès libre sur Internet. Mm-hmm. Et on peut le consulter facilement. Oui, c'est gratuit, ça se télécharge en format PDF. Et c'est en lien sur La Tête au Carré. Merci à tous les deux. La science grand format en partenariat avec France 5. Perrine Poubeau, bonjour. Bonjour Mathieu. Ce soir, 20h50, Science Grand Format, on part d'abord pour l'Italie avec un documentaire intitulé « La face cachée de Venise ». Oui, on va suivre les pas de l'historien Michael Scott qui travaille avec une équipe d'ingénieurs. Et leur projet est de cartographier Venise grâce à des technologies de scan très avancées. Et cette modélisation va donner lieu à des images en 3D magnifiques des lieux les plus emblématiques de Venise. Alors la première étape de notre promenade archéologique est la lagune qui entoure Venise sur plus de 500 km2. Et sur laquelle d'ailleurs la ville a été construite dès le 9e siècle, tout au nord de l'Adriatique. Et on va découvrir toute l'ingéniosité des bâtisseurs de Venise qui ont accompli l'exploit de construire une des plus belles villes du monde sur des marécages. Leur technique consistait à assécher le terrain, puis à installer des pieux dans le sol sablonneux qui leur servaient ensuite de fondation. Alors Michael Scott et l'équipe en charge du scan de Venise vont ensuite, on le verra, étudier le Grand Canal, le cœur de la ville et sa principale artère de circulation. Oui Mathieu, on va ensuite revenir sur la puissance commerciale et sur les communautés qui vivaient à Venise et qui en faisaient sa richesse. Et on va s'attarder dans le quartier juif du ghetto. Et ensuite, on va ouvrir les portes de l'arsenal pour découvrir les coulisses de ce lieu. Oui, aujourd'hui encore, le chantier naval est caché derrière des murs de 8 mètres de haut. Et ce lieu est vraiment la clé de la double puissance militaire et commerciale de Venise. Et grâce à un système de construction standardisé, la flotte de Venise comptait 3000 navires au début du 16e. Et on écoute l'historien Michael Scott. Cet arsenal est impressionnant. Il s'étend sur environ 23 hectares. Et à une époque, 16 000 personnes travaillaient d'arrache-pied ici pour construire la flotte qui permettait à Venise de dompter les flots. Les Vénitiens ont inventé la première chaîne de fabrication de l'histoire. L'arsenal comptait une centaine d'unités de production. Des artisans spécialisés y confectionnaient les différents éléments du navire. Ancre, cordage, rames, mâts. Toutes les pièces avaient une taille standardisée. Une fois que la coque était étanche, elle avançait le long d'une véritable chaîne de montage pour être équipée. Et au début du XVIIe, Perrine, grâce à ces chaînes de fabrication, les Vénitiens étaient capables d'assembler un bateau par jour. Et c'est une preuve de plus du goût de l'innovation et de l'esprit de conquête des Vénitiens, dont l'Empire s'étendait jusqu'en Crète. Et la soirée va se poursuivre donc ce soir avec un deuxième film, La face cachée d'Istanbul. Et là, cette fois-ci, Michael Scott nous dévoilera les secrets de cette ville au passé très mouvementé. Ce soir, France 5 dans la case Science Grand Format à 20h50. Merci Perrine, à très bientôt. Merci Mathieu. C'est terminé pour cette tête au carré. Ce soir, je vous rappelle que nous vous attendons au studio 104 de la Maison de la Radio à 20h pour la dernière conférence sur le cerveau avec le neurologue Lionel Nakache. Conférence qui sera consacrée au sommeil et qui sera, vous le savez, diffusée en simultané dans plus de 130 salles de cinéma en France. Et vous avez encore le temps de réserver votre billet dans l'une des salles qui se trouve probablement près de chez vous en allant sur franceinter.fr ou en tapant conférence sommeil France Inter sur votre moteur de recherche. Donc c'est ce soir à 20h. Rendez-vous où que vous soyez pour cette soirée exceptionnelle avec nos nombreux invités. Demain vendredi, c'est Daniel Fievé qui sera aux commandes de La Tête au Carré et pour toute la semaine qui suit. Bonne journée, à bientôt.